Sorgia FM. Sorgia. Dansez maintenant. Dansez maintenant. Dansez maintenant. Dansez maintenant. Dansez maintenant. Dansez maintenant. Une émission proposée par Hubert Ledin. Un peu de chansons et d'accordéon, il est venu le temps du rêve. Place à la passion, teintée d'émotion, c'est un nouveau jour qui se lève. Des paillettes se sont mises à briller sur votre radio. Il est temps de danser maintenant. Chansons de toute la France donneront un air de vacances à la vie qui court toujours, jour après jour. La vie qui court toujours, on ne sait pas après quoi, mais on court, mais il faut s'arrêter de temps en temps pour profiter de votre émission. Elle s'intitule Dansez maintenant et je vous convie à l'écouter jusqu'au bout. Une heure de plaisir grâce aujourd'hui à l'accordéon, une spéciale accordéon et Christophe qui va vous en parler avec une voix exceptionnelle, celle de Christophe évidemment. C'est la danse qui vous donnera le la et le tempo. À présent, voici le show. Dansez maintenant. Dansez maintenant. Dansez maintenant. Dansez maintenant. Dansez maintenant. Dansez maintenant. Voici le show. Dansez maintenant. Voici le show. Dansez maintenant. Dansez maintenant. Allez Christophe, c'est à toi. Sorgia FM. Christophe Pesset, accordéon, nouvelle vague. Merci Hubert, et bonjour à toutes et à tous. Alors, un rendez-vous un petit peu particulier, puisque d'habitude je vous fais découvrir un album. Et bien cette fois-ci, je vous propose de découvrir un coffret. Ah ouais. Et c'est Éric Bouvel qui vient de nous sortir l'anthologie de l'accordéon, 6 CD qui sont dédiés aux plus belles compositions d'Émile Vacher, de Médard Ferrero, de Jean Ségurel, d'Émile Carrara, d'Yvette Horner, mais aussi les générations beaucoup plus proches de nous, Maurice Larchange, André Blo, ou alors Alain Musichini, Aurélien Noël, et j'en passe. On va tout de suite écouter le premier morceau qui s'appelle tout simplement l'anthologie de l'accordéon avec au chant Sandra, la femme d'Éric. Une valse en mineur de Privat d'Azola, moi j'aime ça. Des accents délicats d'Astier de Baselli, j'ai envie. J'entends mon père me parler d'aimable, de Verschuren et de Ferrari. Je le revois le soir à la table, me répéter quand j'étais petit. Voilà, c'est ça l'accordéon, c'est un refrain qui vagabonde. La belle histoire d'une chanson qui s'en va faire le tour du monde. Pour quelques larmes à la ronde, tant de joie sur les chemins. Quel beau clin d'œil à ces champions, l'anthologie, l'accordéon. J'ai toujours dans le cœur viseré Murena, c'est comme ça. Sous les doigts de l'archange Prudhomme ou Péguri, j'ai compris. J'ai vu Ségurel dans mon village, Yvette Horner et Lorenzoni. Je n'oublie jamais dans mes voyages les mots de mon père à ses amis. Voilà, c'est ça l'accordéon, c'est un refrain qui vagabonde. La belle histoire d'une chanson qui s'en va faire le tour du monde. Pour quelques larmes à la ronde, tant de joie sur les chemins. Quel beau clin d'œil à ces champions, l'anthologie, l'accordéon. Thank you. champions, l'anthologie de l'accordéon. Accordéon Nouvelle Vague, Christophe Pesset sur Sorgia FM. Eh bien, je dirais que le menu est d'ores et déjà donné. Place maintenant à l'anthologie de l'accordéon, CD numéro 1 interprété par Éric Bouvel, un grand classique, une polka d'Émile Vacher qui s'appelle Plaisance Fox. Quel album extraordinaire, ce coffret de 6 CD, l'anthologie de l'accordéon, que nous présente Christophe cette semaine, pas dans son intégralité, parce que 6 CD quand même, il nous faudrait plusieurs émissions, mais vous allez quand même pouvoir vous apercevoir que cet album est tout simplement extraordinaire. Eh bien écoutez, je laisse les commandes à Christophe pour la suite de cette émission Accordéon Nouvelle Vague. Et on poursuit tout de suite avec... On n'a pas tous les jours 20 ans, qui sera enchaîné avec une mazurka qui s'appelle Cascade. Allez, c'est parti, on continue l'anthologie de l'accordéon. C'est parti. Un instant, car c'est toujours marinette, vient juste d'avoir ses 20 ans. Trottins, petites mains et premières ont tous apporté des gâteaux. Des marinettes au franc le porto, dit joyeuse en levant son verre. On n'a pas tous les jours 20 ans, ça nous arrive une fois seulement. Passer las trop vite, c'est pourquoi faut qu'on en profite. Si le patron nous fait les gros yeux, on dira faut bien rire un peu. Tant pis si vous n'êtes pas content, on n'a pas tous les jours 20 ans. C'est maintenant sur Sorgia FM, Hubert Le Dent. Sorgia FM, Sorgia. Je pense que si vous n'avez pas encore l'anthologie de l'accordéon dans vos tiroirs, il faut courir chez votre disquaire pour en faire l'acquisition. Vous avez vu un très bel ouvrage, j'oserais dire, très bien orchestré et avec du vrai musicien, ce qui est rare de nos jours. Et ça, ce n'est que le premier CD. On se retrouve dans une prochaine émission pour retrouver eh bien, le CD numéro 2 et on ira jusqu'au numéro 6. Bien sûr, on ne fera pas le tour de tous les titres, mais ça vous donne quand même un bel aperçu et puis une belle découverte aussi de la musique allant jusqu'à nos accordéonistes, eh bien, on va dire, de maintenant, c'est-à-dire Alain Musichini, c'est-à-dire Aurélien Noël, Michel Pruvot et j'en passe. Petit parcours au travers de l'anthologie de l'accordéon, interprété par Éric Bouvel. Extra. Cette semaine, je vous propose de retrouver les plus belles compositions de Jean et Jacques Médinger, de Jean Ségurel, d'Edouard Duleux, de Louis Ferrari, oh, super. Et puis également Émile Prudhomme et Tony Murena. Mmh. On va tout de suite écouter un grand classique du Paso Doble. Vous l'écoutez régulièrement lorsque vous dansez. Vous ne savez certainement pas eh bien, que c'est une composition de Monsieur Médinger. Il s'appelle Canarias. On y va, place au Paso Doble. Olé. FM. Magnifique interprétation de Canarias par Éric Bouvel. Ah ouais. On va continuer avec une composition d'Edouard Duleux qui s'appelle Fox à poil dur, qui sera enchaînée avec un morceau que vous connaissez très bien de Louis Ferrari qui s'appelle Domino, qui bien sûr sera chanté. On y va, c'est parti, Fox à poil dur. Thank you.

Vous êtes toujours à l'écoute de Danser Maintenant, une spéciale accordéon présentée aujourd'hui par Christophe Pesset, une spéciale anthologie de l'accordéon de Monsieur Éric Bouvel. Qu'est-ce que c'est bien ? Ah oui, on en profite encore. Maintenant à Gus Wieser qui nous a quittés en 1974, on écoute tout de suite la flambée montalbanaise. Magnifique interprétation par Éric Bouvel. Je vous fais un petit cadeau supplémentaire. Freddy Baltar, qui nous a quittés en 2002. Coup de tête! Sorgia. On écoute maintenant un mythe de l'accordéon. Je veux bien sûr parler de Joe Privat. 1919-1996, il vous interprète une chanson dédiée à son papa, sa préférée. Et vous reconnaissez bien entendu le célèbre Balajo, belle interprétation encore d'Éric Bouvel. Et on écoutera juste après un autre titre merveilleux, ça s'appelle « Quand Gitan ». Thank you. sûr, c'est maintenant. Sur Sorgia FM, Hubert Ledent. Olé, olé, un beau passo doble dont je vous parlais. Hein. On va écouter donc ce morceau interprété par Éric Bouvel. Il s'intitule « Quand Gitan ». Vous allez voir, c'est plein d'émotions ce passo doble. Et je vous propose de le danser. Alors on pousse les tables, on pousse les chaises, on est prêt pour danser le passo doble tous ensemble. Attention, c'est à vous maintenant. Seigneur de l'accordéon musette, et bien je veux bien sûr parler d'André Verschuren, aimable Yvette Horner. Nous allons commencer avec et bien celui qui nous a quitté récemment, 2013, André Verschuren, et interprété par Éric Bouvel, de la valse dans ma musette. Pour la joie de mon accordéon, quand je tricote la chansonnette, de mes 10 doigts je suis champion. J'ai de la valse dans ma musette pour vous faire passer le grand frisson. Pou cas, c'est pas la nénette, c'est au fond des mirettes, on regarde les lampions. Et quand la valse s'arrête, on peut faire en cachette un tour sur le gazon. Allez les danseurs! C'est pas la nénette, c'est au fond des mirettes, on regarde les lampions. Et quand la valse s'arrête, on peut faire en cachette un tour sur le gazon. Magnifique composition d'André Verschuren. On passe maintenant à un autre mythe de l'accordéon musette qui nous a quitté en 1997. Je veux bien sûr parler du regretté Aimable et de son fameux cigare. On écoute tout de suite une très belle java musette à tout va. Nous allons maintenant parler de Jos Baseli qui nous a quitté en 1982. Nous allons écouter une très belle samba qui s'appelle Opaline Samba. C'est une composition d'Éric Bouvel avec bien sûr Monsieur Jos Baseli, décédé en 1982. Si je fais un calcul, oui, ben j'avais 2 ans. Oui, c'est ça. Mais... We'll be right back. maintenant sur Sorgia FM, Hubert Le Don. Alors je ne sais pas si vous prenez autant de plaisir que moi à écouter ces grands morceaux de virtuosité magistralement interprétés par Éric Bouvel. Super. Eh bien oui, c'est déjà terminé pour ma part, mais je vous laisse en compagnie, en très très bonne compagnie d'Hubert, Arlette et tout ça. Vraiment que du plaisir dans votre radio. On va se quitter avec un morceau de Maurice Vitney. Peut-être que ce nom ne vous évoque pas grand-chose, mais en tout cas, ce titre, oui, Vacances tyroliennes. Bonne semaine. Et à très bientôt. Merci Christophe, bonne semaine à toi et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao, bye bye, au revoir à toutes et à tous, je vous embrasse. Sorgia FM.